Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 44! Le Lobster 44.0. Ça fait quelque temps que je suis en pause, je suis dans ma période de vacances d'été, donc je me suis tenu un peu plus loin de l'ordinateur. Cet été, je prends de longues vacances. J'ai déjà 5 semaines de vacances de prix et il me reste un 13 jours que je prends bientôt, en août. Je vais avoir passé une bonne partie de l'été en vacances. Cette année, j'entrecoupe mes 7 semaines de vacances avec 2 où je retourne travailler. J'ai commencé par 2 semaines de congé, j'ai retravaillé 1 semaine, ensuite 3 de vacances et je retravaille 1 cette semaine pour finalement prendre la balance à partir de la semaine prochaine. En faisant ça, j'ai comme pas l'impression de travailler durant mes semaines où que je retourne. J'arrive le lundi et déjà, je sais que je repars le vendredi. Donc c'est ça, mon été de longues vacances avec mes garçons. Qu'est-ce que j'ai fait durant mes vacances? Pour moi, les vacances, c'est d'aller passer du temps au chalet. À date, on y a été 2 semaines sur les 5 semaines qui sont déjà passées. Cette année, malheureusement, beaucoup de moustiques. Les moustiques de printemps étaient abondants. Avec le printemps pluvieux et supposément l'hiver bien enneigé, cela a favorisé les moustiques qui se cachent en zone sombre. Ça m'a bien sûr pas empêché de faire des choses à l'extérieur, mais j'ai dû éviter d'aller m'amuser dans le long chemin que je débroussaille dans la forêt au chalet. À l'ombre, dans la forêt, il y a trop de moustiques. On s'est donc concentré dans la baignade. On a un endroit, un genre de cuvette avec grosse chute, un endroit idyllique comme dans les films, où on monte sur la paroi de rocher et qui nous permet de sauter dans l'eau. Donc chaque jour, on allait se baigner ou sauter de roche en roche pour s'amuser. Ensuite, on a été à la pêche, bien sûr. Nouveauté cette année, on a un fumoir. Mon père avait reçu en cadeau il y a quelques années un gros fumoir, mais il ne l'avait jamais amené au chalet. Là, il a été le chercher et on s'est fait des truites et du saumon fumé. C'est délicieux. C'est pas trop compliqué. Ma mère a trouvé une recette de saumure dans laquelle on laisse le saumon et les truites environ 24 heures. Ensuite, on allume le fumoir avec du cerisier ou de l'érable et on fait fumer les truites pendant 3 à 4 heures. On a juste à surveiller que la température reste aux alentours de 130 degrés pour une cuisson lente. L'après-midi, où on a fait fumer nos poissons, j'ai passé mon temps à en manger. C'était vraiment délicieux, mais à la fin de la journée, je ne pouvais plus voir de poissons. J'ai été quelques jours sans pouvoir en manger. J'en avais vraiment trop mangé durant cet après-midi. Évidemment, c'était délicieux, vraiment délicieux. Toute la famille a trouvé ça bon, donc c'est déjà prévu qu'on en refait quand j'y retourne. Maintenant, on prend une petite pause en musique et au retour, la suite du récit de mes aventures de vacances, qui ont été plutôt tranquilles. Pour la musique, on débute avec une chanson en lien avec un vieux simulateur de jeu des années 90, le jeu Red Baron. Moi, je me souviens pas nécessairement d'avoir joué très souvent à ce jeu-là, mais Martin y jouait. Je me souviens qu'il m'en parlait. Donc, on écoute cette chanson du groupe Sabaton de Red Baron. Above the blood and mud of the battlefields, there was another war going on. A war for superiority in the air between the daredevils of the sky, known as the Aces. Among them, one man and his plane stand out. The Red Baron. Man in the scene and nothing there in between. The fire circus on the mount from Prussia. The sky in a plane, this man commands his domain. The western front and all the way to Russia. Death from above, you're under fire. Steel in his blood, he's roaming higher. Born a soldier from the horseback to the sky. he's flying, and he's flying higher. The king of the sky, he's flying too fast and he's flying too high. Higher, a night for a night, the legend will never die. Higher, the king of the sky, he's flying too fast and he's flying too high. Higher, a night for a night, the legend will never die. Cette chanson, Burning Out, du groupe Bad Omen. Cette année, nos pivoines au chalet ont donné encore de belles fleurs. Et surprise, même celles que j'ai à ma maison ont fleuri. Pour la première fois, ce sont toutes des pivoines hybrides, c'est-à-dire que nos plants sont issus de graines issues d'hybridation. C'est notre voisin du chalet qui a lui-même croisé le pollen de pivoines sélectionnées en l'appliquant sur d'autres. Un processus qui est plutôt simple, qui permet de connaître la recette, qui permet de donner une sorte de pivoine particulière. En connaissant le plant mère sur lequel tu appliques le pollen du donneur de pollen, le père, tu es ainsi capable de reproduire des graines qui donneront le même plant. Donc, si la nouvelle couleur de pivoine et ses nouvelles caractéristiques te plaisent, tu as la recette pour la reproduire en grand nombre. C'est un peu ça, faire de l'hybridation. Bien sûr, si tu fais rien, le plant va donner des graines aussi et va produire des plants différents de la plante mère. Mais dans ce cas-là, on parle d'hybridation libre car les insectes pollinisateurs, c'est eux qui font la job, comme les abeilles. Et tu connais évidemment pas la recette pour reproduire la plante par la suite. Cette année encore, notre voisin qui est spécialiste là-dedans, dans ce domaine, nous a invités pour nous remontrer comment faire, donc je suis prêt à faire mes propres hybridages l'année prochaine. Pour l'instant, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des tonnes de plants de pivoines différents. De contrôler le donneur de pollen m'importe peu pour l'instant, j'aimerais seulement avoir des centaines de plants et ensuite je m'amuserai à faire mes propres croisements. J'avais planté environ 250 graines l'année passée, qui prendront 6 à 7 ans avant de nous donner leur première fleur. Oui, c'est un long processus. Les graines que j'ai plantées l'année passée ont subi leur premier froid, ce qui est le déclencheur pour que la graine germine. Ça prend ça aux graines de pivoine pour germer. Ce qui explique que les pivoines ne poussent que dans les zones nordiques comme le Canada, le Japon, la Russie. La production de pivoines se concentre vraiment dans des parallèles précis sur Terre, ceux qui ont la période froide nécessaire. Mais ça, c'est théorique. Maintenant, avec un frigo, tu peux simuler la période froide si tu veux, donc théoriquement, on pourrait faire germer des graines n'importe où en utilisant le frigo si vous n'avez pas d'hiver. Mais bon. De mon côté, les graines récoltées semées l'année passée ont subi le premier froid de notre hiver canadien cette année et là, sont en train de faire leurs racines en terre. Mais ils font rien de visible. Ce n'est que l'année prochaine que l'on devrait voir les premiers bouts de feuillage sortir. Ensuite, il faut quelques années de croissance avant que la plante donne des fleurs et nous révèle sa beauté. Nouvelles couleurs, nouvelles caractéristiques, c'est toujours une surprise! Comme je disais, si on ne fait pas d'hybridation, les abeilles se chargent de faire la job, mais comme les graines de pivoine ont la particularité de jamais donner un plant semblable au plant mère, c'est là que l'intérêt de l'hybridage arrive. Car si on découvre une couleur extraordinaire, alors on peut reproduire les graines qui donneront ce plant facilement. Sinon, le seul moyen de reproduire le plant est de séparer le plant en deux, de laisser repousser 2-3 ans, de reséparer. Mais c'est extrêmement long de faire ça. Mieux vaut connaître la recette, donc de connaître le plant mère et le donneur de pollen. Car des pivoines qui ont des couleurs exceptionnelles et des caractéristiques intéressantes, comme un pied robuste, beaucoup de feuillage, une fleur d'eau, ou plein de choses du genre, peuvent se revendre très cher. J'ai vu des pivoines qui ont gagné des concours se vendre 250 $. D'où l'intérêt de connaître la recette pour en refaire à volonté. C'est ainsi que notre voisin a découvert la recette pour donner des pivoines oranges après plusieurs années d'hybridation. Bien sûr, il y a plein de notions à connaître pour y arriver. Et c'est ça que notre voisin et ami nous enseigne. C'est pas toutes les pivoines qu'on peut hybrider, par exemple. Certaines sont ou deviennent stériles. La recette est simple. Pour l'hybridation, le plant mère doit être du sous-genre Lactiflora. Ensuite, le pollen peut provenir de n'importe quelle sorte. Mais à la base, il faut un plant de Lactiflora pour faire de l'hybridation. J'entrerai pas dans tous les détails sur comment récolter et conserver le pollen ou trucs du genre, mais sachez que c'est intéressant quand on désire s'amuser avec ça. Cette année, j'ai d'ailleurs passé une grosse commande de graines à la Société canadienne des pivoines, des centaines de graines que je vais replanter, qui viennent de variétés de pivoines qui devraient en théorie me donner de très jolies choses. J'ai choisi plein de variétés, mais dans ce cas, je ne vais connaître que le nom de la plante mère, donc ça me donne une petite idée à quoi devrait ressembler le plant, car évidemment la graine va donner une pivoine qui devrait avoir certaines caractéristiques du plant mère. Mais comme c'est la nature qui a fait le travail de pollinisation, la surprise reste entière. Je vais tout mettre ça en terre cet automne. L'année passée, j'en avais déjà mis environ 250 en terre, des graines ramassées sur nos pivoines ou chez le voisin, et cette année, je prévois en mettre au moins le double. Je veux qu'il y ait des pivoines partout sur notre terrain au chalet dans quelques années. Pourquoi est-ce que j'ai acheté des graines de la Société canadienne des pivoines? Probablement pour obtenir plein de variétés qui viennent d'un peu partout dans le monde. Pour obtenir des graines de variétés dont le plan mère a gagné des prix dans certains cas, pour leur couleur exceptionnelle ou leur taille ou autres caractéristiques. Donc, j'espère, avec ces graines qui proviennent de grands collectionneurs ou de grands jardins, avoir de jolies surprises dans quelques années. Donc voilà pour les pivoines, un sujet amusant et divertissant à mon point de vue. Mon objectif avec tous ces milliers de plants que j'espère voir grandir est peut-être d'en vendre dans quelques années. Un plant de pivoine, ça vend une vingtaine de dollars en boutique et comme on a l'espace au chalet dans notre grand champ, si je peux arriver à en faire pousser des milliers, ça pourrait toujours être intéressant un jour d'en faire le commerce. Qui sait? Et sinon, juste pour embellir le terrain, ça vaudra la peine, on va avoir un beau vignoble entouré de pivoines. Voilà! Échapper à ses pieds suffit pour l'exciter. Qui le trouve me gagne, qui l'amasse me garde de droit amoureux. Une fois les rideaux clos. Une fois les rideaux clos. Une fois les rideaux clos, apparaître amoureux. S'il trappe ton mouchoir ou il s'en vient s'asseoir, tu joues sa dulcinée. Qu'il chuchote sa chance de s'aimer en silence, il faudra le prouver. Qui me sourit me gagne, qui m'aborde me garde de l'improviser. Une fois les rideaux clos. Sa propre demoiselle a tout organisé. Quand Roméo est sous, s'indique sa tête des sous, il se sent invité. S'il te touche, qu'il gagne une riposte au visage qu'il ne peut déguiser. Une fois les rideaux clos. Une fois les rideaux clos. Une fois les rideaux clos, je ne veux plus jouer. Yeah. question. Qu'est-ce qu'on a fait durant nos premières vacances? Bien sûr, on est allé dans un club aquatique. Nous, on aime bien aller à Saint-Sauveur, pas pour les glissades, car la Calypso en Ontario est pas mal un cran au-dessus. Mais à Saint-Sauveur, il y a le Viking. C'est une voiture sur rail qui va jusqu'à 35 km/h. C'est notre manège favori. Encore cette année, on a passé la moitié de notre visite à Saint-Sauveur à n'en faire que ça. Tu t'assois au départ dans la voiture sur rail, il te monte à mi-hauteur dans la montagne et ensuite tu descends pendant plusieurs minutes en contrôlant la vitesse toi-même. Évidemment, on va au maximum tout le long de la descente pour avoir du plaisir. Et rendu en bas, on se remet en file pour recommencer. Voilà pour les vacances à l'extérieur de la maison. Pour le reste du temps, ça s'est beaucoup passé à la maison. C'est le fun aussi d'être chez soi, de profiter de la piscine et de jouer à l'ordinateur tous ensemble. Mes deux ados aiment bien les jeux en ligne et cette année, je leur ai fait découvrir l'ancêtre des jeux MMORPG, les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Je leur ai fait découvrir le jeu qui est considéré comme le premier jeu populaire de ce genre. Pas le premier, mais le premier qui a eu du succès. On le nomme Ultima Online. Donc, Ultima Online nous amène dans un univers médiéval fantastique où tu dois créer ton personnage et le faire évoluer. Ce qui est merveilleux dans ce jeu, c'est que même après y avoir joué pendant plusieurs mois ou années, je ne finis jamais par tout le découvrir. Le jeu évolue et du nouveau contenu apparaît régulièrement. Par exemple, il y a un zoo dans le jeu et le nombre de créatures visibles dans le zoo est dépendant des dons des joueurs. Il y a aussi un musée et une librairie avec plein de quêtes liées à ce genre de choses. Donc oui, la majorité du temps, on part en mission pour tuer des monstres, mais il y a tout un à côté qui fait de ce jeu un vrai bon divertissement. Par exemple, si tu veux planter des plantes et les hybrider pour avoir d'autres couleurs et en faire de la teinture d'une couleur rare, eh bien, tu peux. Sur le toit de ma maison poussent des plantes, des cactus, des bonsaïs qui me donnent des pigments de couleurs rares qu'on utilise pour colorer notre équipement. Sinon, côté personnage, j'ai quatre persos principaux, un pêcheur du nom de Jonas pour aller chercher des coffres dans le fond des océans ou courir après les pirates. Ce personnage est en développement, je le commence, donc pour l'instant, je navigue et ne fais que pêcher. J'ai aussi Adjutor, un forgeron charpentier et qui a aussi un skill pour enchanter les équipements magiquement. Donc avec ce perso, je peux meubler ma maison et ce qui est palpitant, c'est qu'il y a des centaines d'objets à créer. Certains objets très rares qui demandent de hautes compétences du personnage et pour lesquels on doit partir en mission pour trouver les ingrédients rares qu'on a besoin. Bien sûr, on pourrait les acheter ces ingrédients, mais c'est le fun d'aller tuer les monstres qui les donnent. Dès le départ, ce type de personnage peut créer certains objets et à mesure que le temps avance, que les stats montent, on crée des choses qui sont de plus en plus en demande et qu'on peut revendre contre de l'or, qui nous permet alors d'acheter des choses rares qui nous seront utiles plus tard pour d'autres choses. Habituellement, c'est de l'équipement qui nous rend plus fort face aux monstres. Moi, en parlant avec le support technique, j'ai pu récupérer mon compte que j'avais il y a quelques années, donc je me suis ramassé avec des personnages qui sont déjà puissants. Parfois, il faut des semaines pour monter les statistiques du personnage au maximum, qui se trouve à être représenté par un chiffre qui va jusqu'à 100 ou 120 si tu as la chance d'avoir trouvé des parchemins de pouvoir que tu obtiens quand tu as les boss du jeu, qui sont tout un défi et demandent souvent d'avoir une grosse équipe. Moi, en récupérant mes personnages, j'ai retrouvé des persos qui avaient majoritairement 100 dans leurs statistiques. En fait, mon créateur d'objets avait 100 dans tous ses stats et mon chasseur de trésors magicien aussi. Donc, dès lors, je me suis remis à faire plein d'argent et à partir à l'aventure. Évidemment, le jeu avait évolué depuis que j'avais joué il y a quelques années et j'ai dû faire des ajustements à certains de mes persos pour pouvoir continuer à les utiliser au maximum de leurs compétences. Par exemple, mon chasseur de trésors, qui a les compétences nécessaires pour décoder des cartes au trésor de haut niveau, avait 0 dans la nouvelle statistique qui permet de retirer le piège sur un trésor. Les développeurs, eux, avaient publié depuis la dernière fois que j'avais joué plein de changements au système de cartes au trésor et j'ai donc dû faire évoluer mon perso pour l'adapter au nouveau système. On a découvert que mon perso avait besoin d'un nouveau skill après avoir déterré un trésor de niveau 4. Pendant quasiment 30 minutes, on a essayé de battre un ancien Worm, un monstre très difficile à tuer qui a demandé l'aide d'un joueur externe à notre équipe, qui est venu nous aider avec son dragon personnel. Après ce gros monstre éliminé, arrive l'étape de retirer la pièce sur le coffre et de partager le trésor. Avant, dans l'ancien modèle, on avait juste besoin de débarrer le coffre avec lockpicking, mais là, il fallait aussi remove trap, mais mon perso avait 0 dans ce skill. Donc, on a tout fait le travail pour se retrouver devant un coffre qu'on n'a jamais pu ouvrir. Erreur de débutant sur le retour. Évidemment, ça n'a pas été trop long que j'ai remonté cette stat proche de 100. J'ai en haut de 90 en ce moment. Habituellement, c'est très long à monter, mais comme j'avais récupéré mon vieux compte et que j'avais beaucoup d'or disponible, environ 5 millions, je me suis acheté une boîte qui coûte 100 000 gold et qui permet d'entraîner cette statistique spécifiquement et qui va plus vite que se promener dans les villes pour ouvrir des boîtes au hasard. Je suis donc allé chez les artisans gargouilles pour m'acheter cette boîte casse-tête et chaque fois que j'arrivais à résoudre le casse-tête, ma stat montait un peu. Donc j'ai travaillé là-dessus et ça nous a permis de repartir à la chasse au trésor, ce qui est à mon avis la chose la plus fun à faire dans ce jeu. On part souvent à la chasse au trésor en groupe, moi, mes garçons, mon frère ou mes amis qui jouent. Le principe est simple, à partir d'une carte qu'on trouve sur un monstre ou qu'on achète chez des vendeurs, Solaris, mon chasseur de trésors, décode la carte, ce qui nous donne un petit bout de dessin avec un X dessus, qu'on doit ensuite essayer de situer sur les grosses cartes de continent du jeu. Une fois l'endroit trouvé, on se rend sur place et on essaie de le déterrer avec une pelle par essai et erreur. Et quand on le trouve, boum, les monstres arrivent pour le défendre. Plus le niveau de la carte est haut, plus les monstres sont difficiles à tuer. Évidemment, on a commencé par des niveaux 1 et à la fin des vacances, on faisait les niveaux 5 les plus difficiles et où se trouvent évidemment les trésors légendaires ou autres parchemins qui se revendent à gros prix. Moi, c'est comme ça que je fais mon argent dans le jeu. Les cartes de haut niveau se revendent environ 1 million d'or, mais moi, j'ai équipé mon personnage d'un équipement qui lui donne beaucoup de chance. Et quand tu as de la chance, tu retrouves des cartes dans les coffres que tu ouvres. Et la carte est souvent d'un niveau plus haut que le coffre creusé. Donc, je peux acheter des cartes de niveau 4 dans lesquelles on trouve des cartes de niveau 5. Évidemment, on pourrait revendre les cartes de niveau 5 directement pour faire 1 million. Mais nous, on les creuse. On a donc dû faire, durant les vacances, une bonne dizaine ou une vingtaine de cartes pour le plaisir de chasser les monstres. Et on se sépare toujours le trésor. Quand un groupe est formé, c'est chacun son tour à prendre de quoi dans le coffre à la fin. Et les coffres de niveau 5 ont souvent 4 à 5 parchemins payants pouvant valoir entre 50 000 pièces d'or ou 2 millions. En plus des artefacts et de tout l'or et bijoux contenus dans le coffre. Parfois, pas souvent, la chance est avec nous et on trouve un artefact légendaire dans notre coffre. C'est rare. Sur tous les coffres de niveau 5 que j'ai ouverts, on n'a trouvé que 3 ou 4, dont un chapeau de magicien qui à lui seul valait entre 1 et 5 millions. Mais bon, je l'ai gardé et mis sur la tête d'un de mes personnages, car oui, on se fait plusieurs personnages. Un jour, on part à la chasse au trésor et le lendemain, on va dans des donjons où on a besoin d'un autre type de personnage, d'un guerrier par exemple. Il existe dans le jeu 48 skills différents dans le jeu et qui permet de faire des tonnes de choses. Donc, ça nous prend plusieurs persos pour s'amuser avec tout. Le jeu, lui, existe depuis 1997 et est rempli de possibilités et n'a pas cessé d'évoluer. Donc, il existe plein de choses que l'on peut faire dans le jeu. Il y a des quêtes, il y a des trésors coulés dans l'océan qu'on peut aller chercher quand on a les moyens de s'acheter un bateau. On peut se spécialiser dans divers types de magie ou simplement s'amuser à domestiquer les plus gros dragons du jeu. Tâche sur laquelle je travaille depuis quelques temps. En effet, j'essaie de monter les stats nécessaires pour pouvoir avoir l'un des personnages les plus puissants du jeu, qui est le Animal Tamer, qui permet de contrôler les créatures les plus fortes que tu amènes combattre pour toi. Et qui te permettent évidemment de venir à bout des plus grosses quêtes. Voilà, pour ceux qui se demandent combien ça coûte ce jeu, eh bien, c'est gratuit. Bien oui, depuis 1998, c'est gratuit. Cherchez pour Ultima Online ou Endless Journey. C'est le nouveau nom qu'ont donné ceux qui ont repris le jeu. Et venez dire bonjour sur le serveur Atlantis. Tout ça est gratuit, mais bien sûr, tu peux t'abonner. Il faut bien que l'argent rentre d'une certaine façon pour les développeurs. Dans le mode gratuit, tu peux accéder à quasiment tout, sauf deux mondes. Donc, c'est vraiment pas un bloquant. Pour ceux qui veulent jouer gratuit, tu as accès à peu près tout ce qui s'est fait pendant les 10 premières années du jeu. Sauf le monde des dinosaures, qui est tout récent, et une expansion liée aux quêtes en haute mer et bateaux. Bon, moi j'ai acheté les deux expansions et je suis abonné, donc j'ai accès à tout. Pourquoi? Car l'abonnement te donne le droit de poser ta maison dans le jeu. Et dans ta maison, tu peux tout classer tes objets, mettre un vendeur, bref, ça devient plus facile. Sans l'abonnement, pas de maison, bien tu dois laisser toutes tes choses à la banque. Mais tu es limité à 20 emplacements pour tes trésors, 100 maximum pour l'argent. C'est très faisable de jouer comme ça, mais évidemment, ça apporte beaucoup au jeu d'avoir ta maison. Moi, j'ai payé 500 000 gold à un autre joueur pour avoir un gros emplacement de maison. Car évidemment, un emplacement pour une grosse maison n'est pas facile à trouver sur les différents continents. Plus ta maison est grosse, et plus tu peux y mettre de choses. Donc, tu peux prendre des heures à chercher un emplacement toi-même ou payer un joueur qui peut te téléporter directement au spot que lui a trouvé. Moi, j'avais une maison moyenne au départ, mais j'ai upgradé à une grosse qui m'a coûté un autre 500 000 gold pour la construction des murs, planchers et autres. J'ai ensuite posé mon vendeur à l'entrée de ma maison qui s'occupe de revendre les trouvailles des coffres qu'on déterre. Aussi, grosse amélioration dans le jeu, il y a un système de recherche. Tu peux écrire ce que tu cherches comme objet et il te donne l'emplacement du vendeur qu'il vend. Ça facilite les choses, mais tu as intérêt à toujours vendre au meilleur prix maintenant pour réussir à vendre tes choses. Donc, il y a toute une économie dans le jeu basée sur l'offre et la demande. Évidemment, les bons objets légendaires que tout le monde désire et qu'on ne trouve pas souvent peuvent se vendre des millions de gold, mais pour des objets plus courants, un peu moins puissants, les prix peuvent être aussi bas que 500 gold. Donc, même un joueur qui arrive va pouvoir s'équiper avec des objets magiques intéressants et évoluer à mesure qu'il fait de l'argent. Voilà ma petite chronique sur Ultima Online qui a occupé une partie de mes vacances. Un jeu vraiment amusant que je vous conseille d'essayer dans son mode gratuit. Un jeu qui ne demande qu'un Pentium 3 pour pouvoir y jouer. Et oui, un Pentium 3, c'est un peu ridicule. L'interface ne demande à peu près rien pour rouler. Le moins puissant des ordis de maintenant est déjà 100 fois trop puissant pour ce jeu. Mais évidemment, on joue avec une interface qui a l'air un peu vieillotte, mais pas trop quand même. Mes garçons, habitués aux nouveaux jeux, ont dit qu'ils pensaient que ça allait être moins beau que ça. C'est une vue comme dans les vieux jeux d'Ultima, une vue isométrique. Tu vois comme ton bonhomme de haut que tu diriges avec ta souris et tu utilises plein de raccourcis sur le clavier pour lancer rapidement des sorts ou faire des actions. On s'habitue tout de suite et on apprécie immédiatement. Donc voilà, c'est ça, Ultima Online. Vous trouverez Solaris, le chasseur de trésors, sur le serveur Atlantique. Et si vous débutez votre carrière dans la ville de New Haven, il y a des bonnes chances que je vous remarque et qu'au retour d'une chasse au trésor, je vous donne les objets que je n'utiliserai pas. Car oui, ce jeu tourne aussi beaucoup autour de l'entraide. Quand tu meurs, tu peux demander de l'aide aux autres joueurs qui, s'ils ont un magicien assez puissant, peuvent te ressusciter. Ou quand tu débutes, il n'est pas rare que les gens te donnent un peu d'or ou des objets magiques pour bien débuter ou t'amènent en quête avec eux pour t'aider à monter tes stats ou t'amuser. Et il y a aussi les événements spéciaux. Par exemple, en terminant, car je pourrais en parler pendant des heures, l'autre soir, mon frère me texte pour me dire « Fred, il semble qu'il se passe de quoi dans Ultima. Il y a un portail d'ouvert et des messages d'être là pour 21h. » Donc, je me connecte et j'envoie un message aussi à Nico, mon autre ami. Et là, on voit qu'on est tous convoqués par le roi pour une enquête ou une situation particulière. Donc, on était une centaine de joueurs en ligne devant le roi ou son représentant qui nous explique qu'il se passe de quoi sur la terre de Britannia. Je me souviens pas exactement, mais c'est une histoire de brigands des mers qui essaient de s'en prendre à la famille royale. Et là, on nous ouvre un portail pour aller enquêter et voir de quoi il en retourne. Sur place, on nous donne les détails et paf, durant la réunion, on se fait attaquer. Donc, tous les joueurs ont fait équipe pour venir à bout des monstres. Bon, à 100 joueurs, je vous le dis tout de suite, c'était le bordel. Pendant une heure, on s'est fait attaquer et chaque fois qu'on tuait un puissant monstre, on pouvait le fouiller. Et il y avait plein d'objets magiques puissants. Moi, comme mon perso est pas fort au combat, c'est un chasseur de trésors, j'ai passé mon temps à guérir ceux qui combattaient les monstres. C'était vraiment fun, et comme j'avais déjà participé à l'époque à ce genre d'événement, je savais qu'il fallait sauter sur les trésors dès qu'un monstre était tué. Donc, je faisais toujours un petit peu de déco aux monstres avec ma magie, et quand ils tombaient, je prenais ma part de butin. J'ai ainsi ramassé 78 objets durant l'événement, donc 2 ou 3 objets légendaires, les plus puissants. C'était bien, les créateurs nous préparent des histoires comme ça régulièrement, et l'histoire fait partie d'une grosse histoire liée au monde d'Ultima. Convaincu? Je vous le dis, vous devriez essayer. Si le jeu est toujours en ligne depuis 1997, c'est qu'il y a une bonne raison. Bon, c'est le temps du petit segment japonais. On écoute deux bandes de chanteuses. Le premier, le groupe Love Bite, et le deuxième, Mary's Blood. シンクロするあなたの糸指先が導くのは私らしく終わるための支えだとしたらここにいたかったの Sauver la planète. Sauver la planète. Comment on peut sauver notre environnement? Pas besoin de sauver la planète, je devrais dire. Elle s'en fout un peu des pluies acides, de l'effet de serre, de la pollution. Si on n'est pas assez intelligent pour préserver l'endroit où on vit, notre race va juste s'éteindre et le ménage se fera dans les millions d'années qui suivent. Et peut-être qu'une race intelligente verra le jour par la suite qui elle aura le souci de ne pas détruire où elle vit. Mais bon, si on en revient à nos petits bobos, j'ai lu qu'il semble que le moyen le plus efficace de lutter contre le réchauffement climatique est de planter des milliards d'arbres, affirme une nouvelle étude. Au moins 1000 milliards d'arbres, pour être précis. Je vous lis l'article que je trouvais intéressant. Ça pourrait être une bonne solution pour se sauver. Des scientifiques suisses affirment qu'il y aurait assez d'espace de disponible pour planter des milliards d'arbres. Même avec les villes et les terres agricoles existantes, il y a suffisamment d'espace pour que les nouveaux arbres couvrent 9 millions de kilomètres carrés, écrivent-ils jeudi dans le magazine Science. Cette superficie couvrirait à peu près la taille des États-Unis. L'étude calcule qu'au fil des décennies, ces nouveaux arbres pourraient aspirer près de 750 milliards de tonnes métriques de dioxyde de carbone qui piègent la chaleur dans l'atmosphère. C'est à peu près autant de pollution par le carbone que les êtres humains ont rejeté au cours des 25 dernières années. Donc, l'effet de planter ces arbres serait ressenti très rapidement, car les arbres éliminent plus de carbone de l'air lorsqu'ils sont plus jeunes, ont déclaré les auteurs de l'étude. Le potentiel pour éliminer la plus grande quantité de carbone se trouve dans les tropiques. C'est de loin par des milliers de fois la solution la moins chère en matière de changement climatique et la plus efficace à assurer le co-auteur de l'étude. Un écologiste spécialiste des changements climatiques à l'Institut fédéral suisse de technologie à Zurich. Le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Australie, le Brésil et la Chine sont les 6 pays qui auraient le plus d'espace disponible pour accueillir de nouveaux arbres. Avant ces recherches, M. Crowther estimait qu'il existe d'autres moyens plus efficaces de lutter contre les changements climatiques en plus de réduire les émissions, tels que le fait de passer de la consommation de viande au végétarisme. Mais, a-t-il dit, la plantation d'arbres est bien plus efficace car les arbres absorbent beaucoup plus de dioxyde de carbone. Planter des arbres ne saurait remplacer le sévrage mondial de la combustion de pétrole, de charbon et de gaz, principale cause du réchauffement de la planète, a prévenu le scientifique. Rien de tout cela ne fonctionnera sans une réduction des émissions, a-t-il dit. Il n'est pas non plus facile ni réaliste de penser que le monde va soudainement se lancer dans une frénésie de plantation d'arbres, bien que de nombreux groupes aient commencé. C'est certainement un défi monumental qui correspond exactement à l'ampleur du problème des changements climatiques. Au fur et à mesure que la Terre se réchauffe, et plus particulièrement que les tropiques s'assèchent, la couverture forestière disparaît, a-t-il noté. Les chercheurs ont utilisé Google Earth pour déterminer quelles zones pourraient accueillir davantage d'arbres, tout en laissant de l'espace pour les personnes et l'agriculture. L'auteur principal, Jean-François Bastin, a estimé qu'il y aurait de la place pour au moins 1 000 milliards d'arbres supplémentaires, et cela pourrait aller jusqu'à 1 500 milliards d'arbres. Ces arbres s'ajouteraient aux quelques 3 milliards ou quelques 3 000 milliards d'arbres qui sont déjà sur Terre, selon une étude antérieure. Voilà, la solution est plutôt simple. Le 22 avril prochain, lors du Jour de la Terre, il suffit que chaque humain sur Terre se trouve un spot pour planter 125 arbres et le problème est réglé. Wouhou! Je me demande si les pivoines éliminent le carbone de l'air aussi, car ça, j'aurais pas de misère à en planter 125. Alors que 125 arbres, mon terrain risque de ressembler à une forêt. Thank you. Déjà, ma dernière intervention dans ce Lobster 44.0. Juste avant, on s'est fait jouer en premier le groupe Nemesis avec la chanson Fool's Gold, que j'ai vraiment aimé, suivi par le groupe Twilight Force et la chanson Dawn of the Dragon. Donc, pour ma dernière intervention, petit sujet léger de vacances, je lis jamais le journal de Montréal. J'aime pas leur manière de traiter la nouvelle. Un peu trop de nouvelles à sensation. Je suis plus du type cyberpresse. Mais quand je vais déjeuner au restaurant, des fois je ramasse le journal qui traîne et c'est toujours un petit plaisir coupable de lire ça. Et durant les vacances, j'ai lu cet article. Une femme échappe à un cougar grâce à Metallica. Comment ça se peut? Je vous lis l'article. Une citoyenne de l'île de Vancouver peut remercier le groupe Metallica après une rencontre fortuite avec un cougar en Colombie-Britannique. Guy Galant et son husky Murphy se sont aventurés comme à leur habitude sur un sentier forestier des environs de Duncan mardi dernier, lorsque le duo est arrivé nez à nez avec un cougar d'environ 3 mètres de long. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai aperçu. Il était accroupi et avançait avec cette démarche de prédateur qu'ils ont. C'est à ce moment que j'ai agité les bras et crié « Hey, arrête-toi !» a raconté Mme Galant aux médias Kelowna Now. À sa grande surprise, le cougar a tempéré et s'est figé, se contentant d'observer ses proies au loin. À ce moment, la Britanno-Colombienne a sorti son cellulaire pour filmer la rencontre. Dans une vidéo publiée sur YouTube, on peut l'entendre parler au félin qu'elle qualifie de « méchant chat ».« Petit canard, va-t'en d'ici !» l'entend-on s'exclamer. Peu impressionné, le matou, format géant, a continué à observer Mme Galant et son chien. Guy Galant a alors eu l'idée de mettre fin à sa vidéo pour plutôt utiliser son cellulaire afin de faire du bruit. Pour ce faire, elle a décidé de faire jouer à plein volume « Don't Tread on Me » de Metallica. J'ai pensé que c'était la chose la plus brillante que j'avais dans mon téléphone, mais c'était aussi le message que je voulais envoyer au cougar. Dès les premières notes, il s'est enfui dans la végétation, s'est amusé, dit Galant. La Britanno-Colombienne estime devoir la vie au groupe Heavy Metal. J'aimerais ça les contacter un jour et dire à James Hetfield qu'elle m'a sauvé la vie, a-t-elle dit à Kelowna Now en rigolant. Voilà, c'est terminé pour mes interventions dans ce Lobster 44.0. Comme je retombe en vacances vendredi, repars au chalet, je ne sais pas quand sortira le prochain Lobster. Je devrais revenir à un rythme régulier vers la rentrée. D'ici là, mode vacances et mood vacances. Voici comment je me sens en ce moment. Que vous m'ayez fait confiance, sire. Moi, je vous ai fait confiance? Quand ça? Bah là, puisque je vous seconde. Ça fait 50 fois que je vous le dis. Quand je vous demande un truc, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Là, je suis désolé, tout le monde s'est barré. Même si je suis le dernier, vous pourriez avoir quand même confiance. Bah, je pourrais, oui. Mais non. Qu'est-ce que je dois faire exactement? Rien. Faites rien, surtout. Vous écoutez. D'habitude, c'est Lancelot qui vous assiste. J'ai peur de faire une connerie, je suis stressé. Ouais, moi aussi. Vous êtes stressé? Non, moi aussi j'ai peur que vous fassiez une connerie. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent les paysans? Ah, sérieux, ce qu'ils veulent, ils vont bien le dire. Si je savais un peu avant, je pourrais me préparer. Vous préparez à quoi? Je vous ai dit de la fermer, de toute façon. Et si je dis un truc qu'il faut pas dire, et qu'après il y a une révolte paysanne? Cardoc, je tente de vous faire comprendre un principe simple depuis un moment, ça n'a pas l'air de passer. Je vous interdis catégoriquement de prononcer un mot. À la limite, vous me faites un léger signe discret s'il y a un truc capital. Genre comme ça? Je vais le tuer, sire. Je vais tellement sitain et taper sa gueule qu'il va décéder. Sire, je serai vous, je tiendrai la garde pas trop loin. Si je décide de tomber dessus à l'autre machin, là, ça va être une tornade. Il n'y a plus un bob debout dans la baraque, hein. Alors, pour rester dans l'ambiance, vous allez vous calmer, mais alors fis ça, parce que sinon je vous fais tous les deux coller au trou. Remarquez, il n'y a pas besoin de s'énerver, il a qu'à me rembourser la bête qui m'a buté, et puis c'est tout. Il y en a pour 30 secondes. Ouais, mais j'en connais des versions de 30 secondes, moi, hein, tiens. Je vous file un grand coup de bêche dans la tête, et puis on n'en parle plus. Non, mais j'aime bien quand vous venez, c'est vrai. J'ai toujours été fasciné par le monde paysan. Alors, à qui c'est qu'elle est morte, la vache? Oh, bah, d'ici, on se connaît quand même maintenant, hein. J'ai quand même autre chose à faire qu'aller buter des vaches. Ma vache est allée faire un tour sur son champ. Elle avait rien à y foutre déjà pour commencer, hein. Et ça va bien qu'elle est morte toute seule, sinon j'ai foutu un coup de fourche, moi, au bazar. Et puis quand elle est revenue, elle avait chopé toutes les maladies qui existent, d'un seul coup. Ouais, parce que quand elle est arrivée, elle était en pleine forme, hein. Elle avait déjà toute la moitié arrière qui était morte depuis 15 jours. Il me rembourse la bête ou ça sera un bain de sang. Je génocide. Je lui rembourse mes genoux. Et s'il a filé la vérole à mes bêtes, je suis un marteau, moi. Je crame tout, moi. Ma ferme, la sienne, celle des autres, le château, je vais flamber la moitié de la Bretagne. Bon, Guetneau, vous remboursez Repartz. Non. Très bien, Repartz, vous l'avez dans l'os. Non, mais là, ça pue la révolte. Il y a du saccage dans l'air. Non, mais vous allez faire chier le monde pendant combien de temps, vous, encore, avec vos vaches pourries, là, hein? Vous voyez pas que vous êtes pas fait pour l'agriculture, hein? Vous avez qu'à vous recycler dans la mendicité. En plus, vous avez déjà la tenue. Qu'est-ce qu'il a, le bourgeois? Il a les yeux qui piquent? Mais non, c'est l'atmosphère qui est poussiéreux. Bon, bah alors, maniez-vous. Moi, je donne une vache à Repartz. Quoi? Comme ça, tout le monde est content. Voilà, bien. Ça, c'est du gouvernement. Oh, bah dites donc, vous avez drôlement des vaches à perdre, vous. Mais enfin, n'empêche que le problème est réglé. Merci, Caradoc. Voilà, mais comme ça, on pourrait suivre l'évolution des bêtes chez lui, là-bas. Parce que la vache, dans 15 jours, hein, elle ressemble à une chèvre à démier, et dans un mois, elle est moisie sur pattes. C'est un beau geste que vous avez fait. Enfin, on peut pas tout régler comme ça. Vous allez pas donner une vache personnelle. Une vache personnelle? J'ai pas de vache, moi. Quoi? Bah, j'ai dit ça en tant que chevalier de Camelot. On lui donne une vache de Camelot. Non mais, Camelot, c'est pas une coopérative bovine. On n'a pas de vache. Merde, il faut que j'achète une vache.